de nous rester fidèles, Madame, Monsieur, et bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici la charpente. Convocation des électeurs ce samedi 7 décembre pour les élections de 2025. L'article 2 du décret présidentiel précise qu'aucune coalition d'indépendants n'est autorisée. Signature ce vendredi 6 décembre dans l'accord de partenariat entre la Chambre fédérale de commerce et d'industrie burundaise et celle marocaine, en vue de financer la vision du Burundi 2040-2060 et au terme d'une table ronde de 2 jours à Bujumbura visant le financement de cette vision. Le service de l'état civil de la commune Lumonge a reçu ce vendredi un don d'une valeur de plus de 110 millions de francs burundais de la part de l'association FVS Amis des Enfants. Et en international, en France, réouverture ce samedi et dimanche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 5 ans après l'incendie du 15 avril 2019. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Anselme Irambona. Bienvenue encore une fois en page politique. Aucune coalition des indépendants n'est autorisée pour la présentation des candidatures aux élections des députés, conseils communaux et sénateurs. C'est du moins le contenu du décret présidentiel de ce samedi 7 décembre portant convocation des électeurs pour les élections de 2025. Le même décret précise qu'un membre dirigeant d'un parti politique ne peut se porter candidat comme indépendant qu'après expiration d'un délai de 2 ans après son éviction ou sa démission de son parti. Plus de détails de ce décret présidentiel avec Alain Désiré Bukeneza. D'après le présent décret présidentiel, la province de Burumuza aura 16 députés, Bujumbura 23, Burunga 17, 23 pour Butanyerera et Gitega aura 21 représentants pour constituer en tout 100 députés. Le nombre de conseils communaux est de 25 par commune et les élections des députés et conseils communaux auront lieu le 5 juin l'année prochaine. Et quant à la présentation des dossiers de candidature, c'est du 9 au 18 décembre courant pour les conseils communaux et du 9 au 23 de ce mois pour les députés. Le nombre de sièges à pourvoir pour les députés est de 2 par province et ils seront élus le 23 juillet l'année prochaine par les conseils communaux. Les élections des conseillers de colline ou de quartier auront lieu le 25 août l'année prochaine. Le nombre de sièges à pourvoir est de 5 par colline ou quartier et le dépôt des candidatures est prévu du 16 au 25 juin l'année prochaine. Le présent décret détermine que les candidatures aux élections des députés, des conseillers communaux ou des sénateurs sont présentées par les partis politiques, coalitions des partis politiques ou se présentent à titre indépendant. Ici, ce texte et n'autorise aucune coalition d'indépendants. Le même décret précise qu'un membre dirigeant d'un organe d'un parti politique ne peut se présenter candidat comme indépendant qu'après expiration d'un délai de 2 ans après son éviction ou sa démission de son parti. Le décret fait une autre précision et considéré comme indépendant le candidat qui ne se réclame d'aucun parti politique au moins 1 année et qui affirme son indépendance par rapport aux clivages politiques habituels en présentant un projet de société personnel. La Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi CFCIB a signé ce vendredi en accord avec la Chambre fédérale d'industrie de commerce marocaine. Olivier Sougourou, président de la CFCIB, a indiqué que cet accord permettra aux investisseurs marocains d'apporter leurs capitaux au Burundi, ce qui favorisera, dit-il, le développement du pays. Il espère que le Burundi atteindra la vision du Burundi émergent 2040 et pays développé en 2060. En se basant sur l'engagement des participants à la table ronde des partenaires au développement et des investisseurs privés de 2 jours organisés à Bujumbura, ils se sont engagés à soutenir et à contribuer à cette vision. On l'écoute. signé un mémorandum d'entente avec la Chambre africaine de commerce et des services du Maroc. Alors, c'est dans le but justement d'acheminer vers la concrétisation, l'implémentation de la vision du Burundi émergent 2015-2060, puisque ce cadre, ça va nous permettre de faire une collaboration, en cas de partenariat de collaboration et de coopération, où les opérateurs économiques burundais qui sont regroupés au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Burundi, la CFCIB, et la Chambre africaine de commerce et des services, pour travailler ensemble et regarder les intérêts mutuels, les intérêts communs que nous partageons. On va faire une mobilisation des ressources du secteur privé entre nos deux chambres et au-delà de nos membres aussi, pour venir et accompagner ce processus, cette vision du Burundi. Donc ça coïncide exactement avec la vision d'aujourd'hui qui a été organisée de cette table ronde. C'est exactement la bonne volonté et le but de cette signature. Pour que la vision soit vraiment une réalité, le pays a besoin de beaucoup de ressources. C'est notamment les ressources de nos partenaires de développement, et ce que nous appelons le partenaire traditionnel, mais aussi la mobilisation du secteur privé. Donc ce qui a été annoncé comme engagement, ça c'est le début, c'est pas la fin. On va continuer toujours à solliciter qu'il y ait aussi d'autres qui pourront joindre cette ambition. C'est une plateforme aussi, une planification. Donc c'est le début. Vous avez compris qu'avec l'annonce du secteur privé, que le secteur privé va être le catalyseur de l'acheminement du Burundi vers l'émergence et vers le développement. Donc, il n'y a pas de souci, il faut garder l'espoir. Et nous, on est confiants au niveau du secteur privé. Ce qui nous guide, c'est la flexibilité et aussi l'optimisme. Olivier Suguru, président de la CFCIB, dont les propos ont été recueillis par Lydie Gahimbare. Je vous l'annonçais en titre du matériel de nouvelles technologies de l'information et des télécommunications et celui de la production du courant électrique pour la digitalisation du service de l'état civil d'une valeur de plus de 110 millions de francs burundais ont été remis à la commune Rumonge l'après-midi de ce vendredi. La FVS Ami des enfants qui a remis ce matériel dit qu'il s'agit de sa contribution dans la modernisation de ce service. Et Valentin Nahimana, directeur général de l'administration du territoire, conseille les bénéficiaires de ce matériel d'en faire bon usage. Le point avec Jean-Pierre Misago. 3 ordinateurs de bureau, souris, clavier et 40 cartouches, 35 tablettes et 40 cartes SIM, un scanner, une imprimante, une photocopieuse, un groupe électrogène, 6 plaques solaires et accessoires, 5 routeurs pour alimentation à Internet, 40 rames de papier d'une valeur de 113 800 000 francs burundais. Tel est le matériel remis à la commune Rumonge l'après-midi de ce vendredi. Docteur Jean Dodieu Naïkeza, chargé des projets à la FVS Amis des Enfants, qui a remis ce matériel au nom de cette organisation de défense des droits des enfants, dit que c'est leur contribution à la digitalisation du service de l'état civil de cette commune en privilégiant les enfants. La commune Rumonge, pour cela, il voudrait que la commune Rumonge soit effectivement une commune pilote promettant la formation à l'utilisation de son matériel. De son côté, Valentin Nahimana, directeur général chargé de l'administration du territoire, demande à la commune Rumonge d'en assurer la maintenance et signer des conventions avec les utilisateurs pour leur traçabilité en cas de perte. Il conseille les utilisateurs à accepter d'être formés à ces nouvelles technologies qui pourront s'étendre sur d'autres faits d'état civil dans cette commune. Selon lui, la commune Rumonge devient la 12e commune où l'état civil se digitalise et où les doublons ne seront plus possibles. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Dans certaines communes de la province Kirundo, il y a des maladies liées à cette malnutrition qui apparaissent dans les familles. Le gouverneur de cette province de Kirundo indique qu'ils vont faire la cartographie pour savoir les enfants souffrant de la malnutrition dans toutes les communes et voir comment résoudre ce problème. Une correspondance signée Agnès Naumagaz. Comme à l'indique Gordien Daishimiye, coordinateur de la fondation STAM qui a organisé ses activités, le problème lié à la pauvreté et au changement climatique pourrait être l'une des raisons qui causent la malnutrition dans la province de Kirundo, du fait que les familles qui ont été victimes de ce changement climatique éprouvent des difficultés à nourrir leurs enfants un repas équilibré, étant donné qu'ils n'ont pas eu une bonne récolte suite à ce problème-là. À côté de cela, il a ajouté aussi le problème lié aux faibles vulgarisations de l'agriculture sensible à la nutrition à la population, où il a interpellé les agronomes de vulgariser les formations sur l'agriculture nutritionnelle à la population en leur montrant comment cultiver les cultures qui fourniraient les aliments nutritifs à leur famille. Il a aussi demandé à l'administration à diffuser le message offrant à la population une éducation sur une bonne nutrition en montrant l'exemple de la commune Vumbi où l'une de ses collines a bénéficié d'une telle éducation. Le nombre d'enfants souffrant de malnutrition a diminué de 48 à 8 enfants. Le gouverneur de la province Kirundo indique qu'ils vont faire la cartographie d'enfants souffrant de malnutrition dans chaque colline et suivre l'approche dont la colline Vumbi a utilisé afin que le problème de malnutrition puisse être résolu dans toute la province. Il a également interpellé les partenaires au développement de contacter toujours la population avant de monter les projets pour savoir les projets qui répondent aux besoins auxquels ils sont confrontés. Depuis Kirundo, Agnès Inhaumagaze pour la radio Isanganiro. Restons au nord du Burundi, cette fois-ci en province Kayanza, pour parler du lycée Kayanza qui dit avoir répondu à un appel du ministre de l'Éducation visant à exploiter les terrains de l'école en complément aux subsides de l'État pour bien nourrir les élèves. Claver Nahimana, directeur de l'école, indique que cette école dispose déjà d'un terrain de 2 hectares dans lequel on y a planté différentes cultures. Et Juvenal Mbonihangwe, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, demande aux autres écoles à régime d'externat de faire de même pour compléter les frais de fonctionnement. Le point avec Patrick. Dans l'optique de répondre à l'appel du ministre et à l'éducation en ses attributions, l'appel c'est le lequel les écoles doivent exploiter les propriétés foncières de l'école, du moins pour compléter les subsides et les fins de fonctionnement leur donnés par le gouvernement. Le lycée de Kayanza a déjà initié les activités agro-pastorales. Selon Hakizimana Claver, directeur d'école, cet établissement scolaire possède déjà 7 vaches, 2 porcs et 10 lapins ainsi qu'un chat d'oignon de détail, une plantation café-école de 700 pieds, ainsi que 512 plants d'avocatiers. Le directeur du lycée Kayanza parlait aussi d'un marais dans lequel l'école envisage y semer des légumes de différentes natures pour bien nourrir les élèves. Contacté à ce sujet, le directeur provincial de l'éducation à Kayanza, Juvenal Mbonihangwe, dit apprécier que les écoles à régime d'internat en cette province ont répondu massivement à l'appel du ministre de l'Éducation nationale d'exploiter les terrains de l'école en complément aux subsides et demande à cet effet aux écoles à régime d'externat de faire de même pour compléter les frais de fonctionnement de l'école. Signalons que le directeur des écoles à régime d'internat à Kayanza s'inquiète beaucoup de la montée exponentielle des prix des produits vivriers au marché qui se fait observer du jour au jour. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Le président de la Fédération de football du Burundi, FFB, met en garde certains joueurs, entraîneurs, présidents des clubs et certains employés de cette fédération qui font l'activité de betting, qui seront punis conformément à la loi une fois attrapés. Lors d'une conférence de presse animée ce vendredi, Alexandre Mouyenge indiquait que cela peut freiner le développement du football burundais. On l'écoute. Je ne peux pas dire que c'est alarmant, mais quand même, le fléau est déjà là, je dirais l'épidémie est déjà là, parce que nous avons déjà ciblé certains clubs qui parient, et ce pari est illégal. Normalement, nous savons que le pari peut être légal ou illégal. Alors, le pari que nous voyons pour le moment, ici chez nous, c'est illégal. C'est pour cela que nous sommes en train de cibler certains auteurs, et d'ici quelques jours, la justice va trancher pour éradiquer ce genre de betting. Et selon vos enquêtes, qui serait au-dessus de son pariage? Il est très tôt. Je ne veux pas dire c'est tel ou tel, mais encore c'est secret, parce que si je dis que c'est tel, je dévoile déjà le secret professionnel. Il faut d'abord donner du temps aux responsables de la justice ou bien de la commission de discipline et de la FFB qui va trancher après. Mais sinon le cas est là, tout le monde connaît que il y a du pari illégal et nous allons faire tout pour éradiquer ça. Le président de la FFB s'insurge en outre contre le comportement de certains amateurs des clubs visités qui maltraitent les fans des clubs visiteurs en les accusant de sorcellerie. Il précise que ce comportement s'observe plus souvent au stade Urunani de Bugande en province Chibitoke au stade Ngoma de Gitega. Suivez-le encore une fois, traduit cette fois-ci en français par Omer Douayo. Je m'indigne du comportement récemment adopté par certains fans des équipes visitées sur différents stades, malmenant les fans de l'équipe adverse sous prétexte des pratiques superstitieuses. Ils chassent quelqu'un de par sa figure, oubliant qu'il a été créé ainsi. Des fois, considérant l'état de moralité de quelqu'un, ils peuvent le croire autrement et le priver de ses droits. Le problème ici est que nous recevons de telles informations tardivement. Sinon, nous demanderions à tout le monde de s'y impliquer pour éradiquer ce comportement. Celui qui sera attrapé en ses fautes sera puni conformément à la loi. Ici, nous citerions entre autres le stade de Urunani de Buganda et le stade de Ngoma de Gitega. C'est là où nous remarquons souvent des comportements pareils. Alexandre Moyenge, président de la Fédération de football du Burundi FFB, dont les propos ont été recueillis par Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Pour clore cette édition, en France, 5 ans après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'édifice rouvre ses portes. 2 jours de cérémonie et de célébration sont prévus à ce samedi et dimanche 8 décembre. À l'intérieur de la cathédrale, entre 2000 et 3000 personnes prendront place, dont 35 chefs d'État et de gouvernements étrangers. C'est par ici que je mets en point final à cette édition. Tout de suite après, vous suivez la revue de presse avec Jean Bosco Nduimana. Merci donc d'avoir suivi cette édition. Merci également à Anselme Irambona qui a assuré la mise en onde. Très bon week-end à tous et à tous. Au revoir. Mireille Kanyang. Bonjour, bonsoir. Le tableau s'assombrit, constate amèrement l'éditorialiste du journal Burundi Echo, qui estime que c'est du jamais vu. En effet, écrit son confrère, un déficit record a été enregistré depuis la création de l'Office burundais des recettes OBR en 2009. Un déficit de 110 milliards de francs burundais sur les 4 derniers mois de l'année budgétaire 2024-2025, déclaré par l'autorité compétente, ne peut pas passer inaperçu. Pour l'amour de la patrie, suggère cet hebdomadaire socio-économique, il aurait fallu revoir, par exemple, si les nouvelles recrues au sein de l'Office possédaient les critères et remplissaient les compétences nécessaires pour y travailler. Ceux qui organisent les recrutements doivent donc le faire en toute transparence. De plus, il est possible que les agents de l'OBR ne soient que des boucs émissaires. Cela pourrait être le cas si les contribuables étaient plus influents que les vérificateurs d'impôts, facilitant ainsi l'évasion fiscale. Dans ce cas, conclut Burundi Echo, il est légitime de se demander qui en réalité mène les affaires. Selon le ministre des Finances, cité par le journal Bouja 24, les déclarants agiraient sur la minoration des valeurs des marchandises à des douaniers, et les agents de l'OBR feraient des manœuvres pour soutirer l'argent aux contribuables et à l'État. À ces catégories s'ajoutent certains conseillers fiscaux corrompus qui participent dans le détournement des deniers publics, poursuit ce bimensuel. La fondation Bonne Action Umugiraneza de la première dame burundaise a accueilli mardi 3 décembre 2024 pour la 4e fois depuis 2023 à la polyclinique Umugiraneza de Kibimba en commune Guéta de la province de Gitega une équipe de médecins spécialistes en chirurgie pédiatrique de l'ONG Emergency Onlus, rapporte l'agence burundaise de presse. Ce quotidien précise que ces médecins vont mener des consultations chez des enfants manifestant des signes de malformation congénitale pour identifier ceux qui sont en situation d'urgence, afin qu'il soit transféré à l'hôpital Children's Surgical en Ouganda pour y être soigné gratuitement. L'ABP souligne que la prise en charge de ces enfants est totale et assurée par l'association Emergency ONG ONLUS. Le coordinateur de la Fondation Bonne Action Umugiranese, aimable Sindai Kengera, fait remarquer dans les colonnes de ce quotidien que plus de 50 enfants burundais de moins de 18 ans, atteints de malformations congénitales, ont été soignés à travers ce partenariat entre la Fondation Bonne Action Umugiranese et l'association Emergency ONG ONLUS. Revue de la presse. Un élève burundais brille dans la compétition de la rédaction de l'EAC, rapporte la voix de l'enseignant. Il s'agit de l'élève Dushime Joy Gray, qui a représenté le Burundi lors de la récente compétition de rédaction des pays de la communauté d'Afrique de l'Est. Après s'être classé premier au niveau national, il a décroché la troisième place à l'échelle régionale, après un Ougandais et un Rwandais, surpassant ainsi les élèves des nations anglophones alors que la rédaction était en anglais et malgré que sa langue d'enseignement soit le français, souligne son confrère. Accompagné par son encadreur Nouni Christine, enseignante à l'école Les Chérubins, Dushime Joy Gray a su démontrer son talent et sa maîtrise, rivalisant avec les meilleurs jeunes auteurs de la région. Pour cet hebdomadaire de l'éducation, cet accomplissement témoigne de l'excellence des jeunes talents burundais et de l'importance d'investir dans l'éducation et les compétitions internationales pour renforcer les liens entre les pays de l'EAC. On termine cette revue de presse par cette condamnation d'un trafiquant des êtres humains à Rutana, rapportée par l'agence Net Press. Selon ce quotidien en ligne, Jean-Paul Ndayishimiye, âgé de 22 ans, originaire de la colline Nebukinga dans la commune de Gitaramuka en province de Karusi, écope d'une peine de 5 ans de prison ferme et une amende de 500 000 francs burundais pour avoir été attrapé avec 4 mineurs âgés entre 12 et 14 ans qu'il allait livrer à un Tanzanien à raison de 5 000 francs chilens tanzaniens pour chacun des enfants. Il a avoué la faute devant le tribunal de grande instance de Rutana ce jeudi. Et ce jeune homme devra aussi verser un montant de 500 000 francs burundais comme dommages et intérêts aux familles de ces mineurs, précise Net Press. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Nduwimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.